14.9, observation, le bien et le mal, approbation et désapprobation, le vrai et le faux, accord et désaccord, avoir raison, avoir tort. Je fais du sport. Vous avez raison, c'est bon pour la santé. Je fume. Vous avez tort, ce n'est pas bon pour la santé. Moi, je dis que Robert est stupide. Oui, c'est vrai, il est stupide. Tu as raison. Moi, je dis que Robert est stupide. Mais non, c'est faux. C'est tort. Avoir raison. J'ai raison, non? Avoir tort. J'ai tort, mais... Ah, tu as bien raison. Tu as tort. Il a peut-être raison. Il n'a pas tort. Nous avons toujours raison. Nous avons tort? Vous avez sûrement raison. Vous n'avez pas tort. Ah, ils ont raison. Ils ont tort. Notez que dans une discussion, vous avez toujours raison et l'autre a toujours tort.